Chapitre 21e. Pascal resta un moment ébloui, fasciné. Il revoyait Madeleine mille fois plus belle, plus provocante, plus désirable encore que la veille. Et quoique fin connaisseur, ainsi qu'il l'avait dit au prince, quoiqu'il eût joui et abusé de tous ces trésors de beauté, de grâce et de jeunesse que la misère rend tributaire de la richesse, de sa vie, il n'avait soupçonné l'existence d'une créature telle que Madeleine. Et chose étrange ou plutôt naturelle pour cet homme blasé, dépravé par la satiété de tous les plaisirs, il évoquait en ce moment même la figure virginale d'Antonine à côté de celle de la marquise. Pour lui, Vénus Aphrodite se complétait par Hébé. Madeleine, profitant du silence involontaire de Pascal, lui dit d'un ton sec, hautain, et sans faire la moindre allusion à la scène de la veille, malgré les quelques mots ajoutés à son nom sur sa carte, « Monsieur, j'ai sur vous une lettre de crédit, la voici. J'ai voulu vous voir pour quelques arrangements d'affaires. » Cet accent dédaigneux et bref déconcerta Pascal. Il s'attendait, sinon à des excuses, du moins à quelques explications sur la scène de la veille. Aussi, lui dit-il, presque en balbutiant, « Comment, madame, vous venez ici ? Seulement à propos de cette lettre de crédit ? Pour cette lettre d'abord, puis pour autre chose. » « Je m'en doutais, » se dit Pascal avec un soupir d'allègement. « La lettre de crédit n'est qu'un prétexte, c'est bon signe. » Il reprit tout haut. « La lettre de crédit, madame, est du ressort de mon caissier. Il aura l'ordre de faire ce que vous lui demanderez. Quant à l'autre chose qui vous amène, elle m'est, je l'espère, toute personnelle. Oui. Avant d'en parler, madame, me permettrez-vous de vous faire une question, laquelle ? Sur la carte que vous venez de me faire remettre, madame, vous avez écrit que vous m'aviez vu hier à l'Élysée. Ensuite ? Mais vous ne paraissez vous souvenir de notre entrevue que par écrit ? Je ne comprends pas. Voyons, dit Pascal en reprenant peu à peu son assurance, et pensant que la sécheresse d'accent de Madeleine était une feinte dont il ne devinait pas encore le but. Voyons, madame la marquise, avouez qu'hier vous avez traité bien durement votre humble serviteur. Après ? Comment ? Vous n'éprouvez pas un petit remords d'avoir été si méchante ? Vous ne regrettez pas votre injuste vivacité envers moi ? Non. Très bien, j'y suis. C'était d'un excellent effet pour ce brave homme d'archiduc, se hasarda de dire Pascal en souriant, espérant d'une façon ou d'une autre faire sortir Madeleine de cette réserve glacée dont il commençait à s'inquiéter. C'est toujours très adroit d'avoir l'air de prendre les intérêts de la dignité de ceux que nous dominons, car entre nous, « belle, adorable comme vous l'êtes, vous devez faire de ce pauvre prince tout ce que vous voulez. Mais je vous défie d'en jamais faire un homme d'esprit et un homme généreux. Continuez. Tenez, madame la marquise, je n'ai pas vu votre lettre de crédit. » Et Pascal l'ouvrit. « Je parie que c'est d'une mesquinerie atroce. Parbleu, j'en étais sûr. 40 000 francs, qu'est-ce qu'une femme comme vous peut faire à Paris avec cette misère ? Ah ah, 40 000 francs !» Il n'y a qu'un archiduc allemand capable d'une telle magnificence. » Madeleine avait d'abord écouté Pascal sans le comprendre. Bientôt elle le comprit, il la regardait comme la maîtresse du prince et vivant de ses libéralités. Une bouffée de rougeur monta soudain au visage de Madeleine. Puis un moment de réflexion la calma et pour ses projets elle sut même gré à M. Pascal de cette supposition. Aussi reprit-elle avec un demi-sourire, « Décidément, monsieur, vous n'aimez pas le prince. »« Je l'aborde !» s'écria audacieusement Pascal, encouragé par le sourire de la marquise. Et croyant faire un coup de maître en brusquant les choses, « Je l'exècre, ce maudit prince, car il possède un inestimable trésor que je voudrais lui ravir au prix de tous les miens. » Et Pascal jeta un regard enflammé sur Madeleine qui reprit, « Un trésor. Je ne croyais pas le prince si riche. Puisqu'il avait recours à vous pour un emprunt, monsieur. « Eh, madame, » dit Pascal d'une voix basse et palpitante, « ce trésor, c'est vous. » « Allons, vous me flattez, monsieur. » « Écoutez, madame, » reprit Pascal après un moment de silence, « allons droit au fait, c'est la bonne méthode. Vous êtes une femme d'esprit, je ne suis point sot, nous nous entendrons. À propos de quoi, monsieur ? Je vais vous le dire. Si à l'étranger je ne passe pas positivement pour une rosière en matière de finances, je passe pour avoir une petite aisance, n'est-ce pas ? Vous passez pour puissamment riche, monsieur. Je passe pour ce que je suis. Je vais vous le prouver. 1 000 000 comptant pour frais d'établissement, 100 000 livres de rente viagère, une corbeille de noces comme tous les archiducs de la Germanie réunis n'en pourraient payer une en boursicotant, et de plus, je défraie la maison. Que dites-vous de cela ? Madeleine, qui ne comprit pas tout d'abord, regarda Pascal d'un air très surpris. Il reprit : Cette libéralité vous confond ou bien vous n'y croyez peut-être pas. Cela vous paraît fort. Je vais vous montrer que je peux me permettre cette folie-là. Voici un petit carnet qui n'a l'air de rien. Et il le prit dans l'un des tiroirs de son bureau. C'est mon bilan. Et sans être bien fort en finance, vous pouvez voir que cette année, mon inventaire se monte à 27 560 000 francs. Maintenant, supposons que ma folie me coûte une somme ronde de 3 000 000. Il me reste 24 petits millionnets qui, manipulés comme je les manipule, me rapporteront toujours bien dans les environs de 1 500 000 livres de rente. Et comme je vis admirablement bien avec 50 000 ou 60 000 francs par an, je rattrape en 3 années, seulement avec mon revenu, les 3 000 000 de ma folie. Je vous dis cela, marquise, parce que surtout en fait de folie, il faut compter et prouver qu'on peut tenir ce qu'on promet. Maintenant, avouez que le bonhomme Pascal vaut bien un archiduc. Ainsi, cette offre, c'est à moi que vous la faites, monsieur. Quelle question, voyons. Quittez votre archiduc, donnez-moi des arts. Je vous compte de la main à la main le 1 000 000 en bon du trésor. Je passe acte chez mon notaire pour les 100 000 livres de rente viagère, et si le père Pascal est content, il n'est pas au bout de son rouleau. Le financier disait vrai. Ses offres, il les faisait sincèrement. L'impression croissante qu'il éprouvait à la vue de Madeleine, l'orgueil d'enlever à un prince sa maîtresse, la vanité de l'entourer aux yeux de tout Paris d'une grande splendeur et d'exciter l'envie de tous, enfin l'abominable espérance d'amener la marquise à force d'argent à enlever Antonine à Franz, tout enfin justifié dans son ignominie et dans sa magnificence l'offre de Pascal à Madeleine. Reconnaissant à cette offre le degré d'influence qu'elle exerçait sur Pascal, Madeleine s'en réjouit, et pour éprouver davantage encore la sincérité de cette offre, elle reprit en paraissant hésiter : Sans doute, monsieur, ces propositions sont au-dessus de mon faible mérite, mais 50 000 livres de rente viagère de plus et une maison de campagne ravissante, s'écria Pascal. C'est mon dernier mot, marquise. Voici le mien. Monsieur Pascal, reprit Madeleine, en se levant et en jetant sur le financier un regard qui le fit reculer. Écoutez-moi bien. Vous êtes bassement cupide. Votre offre magnifique me prouve donc l'impression que j'ai produite sur vous. Si cette offre ne suffit pas, s'écria Pascal en joignant les mains, parlez, taisez-vous, je n'ai pas besoin de votre argent. Ma fortune, s'il le faut. Regardez-moi bien, monsieur Pascal. Et si vous avez jamais osé regarder une honnête femme en face et su lire sur son front la vérité, vous verrez que je dis vrai. Vous mettriez toute votre fortune là, à mes pieds, que le dédain et le dégoût que vous m'inspirez resteraient ce qu'ils sont. Écrasez-moi, mais laissez-moi vous dire. Taisez-vous. Il m'a convenu de vous laisser croire un instant que j'étais la maîtresse du prince, d'abord parce que je n'ai pas souci de l'estime d'un homme de votre espèce, et puis parce que cela vous encourageait dans vos offres insolentes. Mais alors pourquoi m'avoir ? Taisez-vous ! J'avais besoin de savoir mon degré d'influence sur vous. Je le sais, je vais en user. Oh, je ne demande pas mieux. Si vous voulez me... Je suis venu ici pour 2 raisons. La première, pour toucher cette lettre de crédit. À l'instant, mais... J'étais venu ensuite, pour mettre un terme à l'abus infâme que vous faites d'un service en apparence généreusement rendu au mari de ma meilleure amie, M. Charles Dutertre. Vous connaissez les Dutertre ? Ah, je vois le piège. Tous moyens sont bons pour prendre les êtres malfaisants. Vous y êtes pris. Oh, pas encore, reprit Pascal en serrant les dents de rage et de désespoir, car l'impérieuse beauté de Madeleine, encore augmentée par l'animation de son langage, exaspérait sa passion jusqu'au vertige. Peut-être triomphez-vous trop tôt, madame. Vous allez le voir. Voyons, dit Pascal en tâchant de payer d'audace malgré la torture qu'il endurait. Voyons. À l'instant, là, sur cette table, vous allez signer un acte en bonne forme, par lequel vous vous engagez à accorder à M. Dutertre le temps que vous lui aviez accordé sur parole pour se liquider envers vous. Mais, comme vous pourriez me tromper et que je n'entends rien aux affaires, j'ai chargé un notaire de rédiger cet acte afin que vous n'ayez plus qu'à le signer. C'est une plaisanterie. Le notaire m'a accompagné, il l'attend dans la pièce voisine. Comment vous avez amené ? On ne vient pas seul chez un homme comme vous. Vous allez donc me signer cet acte à l'instant. Et en retour ? Mon dédain et mon dégoût, comme toujours. Misère de Dieu, voilà qui est violent. C'est ainsi. Vouloir m'enlever gratis mon meilleur morceau, au moment où, dans la rage qui me possède, il ne me reste qu'à me repaître de vengeance pour me consoler un peu. Ah, la Dutertre est votre meilleur ami. Ah, ces larmes vous seront amères. Ah, les douleurs de cette famille vous déchireront le cœur. Par Dieu, cela se trouve à point, et j'aurai ma vengeance aussi, moi. Vous refusez. Si je refuse, ah ça, madame la marquise, vous me croyez donc idiot? Et pour une femme d'esprit, vous êtes faible en ce moment. Vous m'auriez pris par la câlinerie. Entortillé par quelques promesses, j'étais capable de... Allons donc. Est-ce qu'on s'abaisse à faire semblant de vouloir séduire M. Pascal? On lui ordonne de réparer une indignité, il la répare. Et on méprise M. Pascal après comme devant. Aujourd'hui comme hier, demain comme aujourd'hui. Misère de Dieu, c'est à devenir fou! S'écria le financier, abasourdi, presque effrayé de l'accent de conviction que prenait Madeleine, et se demandant si elle n'avait pas connaissance de quelques petits secrets véreux dont elle pouvait se faire une arme. Mais notre homme, fin et prudent comme un fripon, se rassura bientôt après un rapide examen de conscience et reprit. « Eh bien, madame, me voici prêt à obéir si vous m'y forcez. J'attends. Ce ne sera pas long. J'attends. J'ai vu, dans votre rue, plusieurs logements à louer. Cela n'a rien assurément d'extraordinaire, monsieur Pascal, mais un hasard heureux a voulu qu'il y eût un fort joli appartement, au premier, disponible presque en face de votre maison. » Pascal regarda Madeleine d'un air hébété. « Cet appartement, je le prends et je m'y installe demain. » Un vague pressentiment fit tressaillir le financier. Il pâlit. Madeleine poursuivit en attachant son regard brûlant sur celui de cet homme. « À toute heure du jour et de la nuit, vous saurez que je suis là. Vous ne pourrez sortir de chez vous ou y rentrer sans passer devant mes fenêtres où je serai souvent, très souvent. J'aime assez me mettre à la fenêtre. Vous ne quitterez pas votre maison, je vous en défie. Un charme irrésistible, fatal, vous y retiendra pour votre supplice de tous les instants. Ma vue causera votre torture et vous rechercherez ma vue. Chaque fois que vous rencontrerez mes regards, et vous les rencontrerez souvent, vous recevrez un coup de poignard au cœur, et cependant, embusqué derrière vos rideaux, vous épierez mes moindres regards. » En parlant ainsi, Madeleine avait fait un pas vers Pascal, le tenant fasciné, pantelant, sous ses yeux fixes, ardents, dont il ne pouvait détacher les siens. La marquise poursuivit. « Ce n'est pas tout. Comme ce logement est vaste, Antonine, aussitôt après son mariage, viendra, ainsi que Franz, habiter avec moi. Je ne sais vraiment pas alors, mon pauvre monsieur Pascal, ce que vous deviendrez. » « Oh, cette femme est infernale !» murmura le financier. « Jugez donc les tortures de toutes sortes que vous aurez à endurer. Il fallait que vous fussiez bien épris d'Antonine pour vouloir l'épouser. Il fallait que vous fussiez bien épris de moi pour mettre votre fortune à mes pieds. Eh bien, non seulement vous souffrirez un martyre atroce en voyant posséder par d'autres les deux femmes que vous avez si follement désirées, car je suis veuve et j'ai envie de me remarier, mais encore, vos immenses richesses, vous les maudirez, car chaque instant du jour vous dira qu'elles ont été impuissantes, qu'elles seront toujours impuissantes à satisfaire vos plus ardents désirs. » Laissez-moi, balbutia Pascal en reculant devant Madeleine qui le tenait toujours sous son regard. « Laissez-moi, mais c'est donc le démon que cette femme... »« Tenez, voyez-vous, » reprit la marquise, « malgré moi je vous plains, mon pauvre monsieur Pascal, en songeant à votre rage envieuse, à votre jalousie féroce, exaspérée jusqu'à la frénésie par la pensée incessante du bonheur d'Antonine, car vous nous verrez presque chaque jour. » Souvent aussi la nuit. Oui, La saison est belle, le clair de lune charmant, et bien des fois, le soir, très tard, caché dans l'ombre, le regard ardemment fixé sur ma demeure, vous verrez tantôt Antonine et moi, accoudés à notre balcon, jouissant de la fraîcheur du soir et riant fort, je vous l'avoue, de M. Pascal, alors glacé sans doute derrière quelques persiennes et nous dévorant des yeux. Tantôt Antonine et Franz, à leur croisée, parleront d'amour au clair de lune, tandis que moi et mon futur mari nous serons aussi délicieusement occupés sous vos yeux. « Malédiction !» s'écria Pascal hors de lui. « Elle me torture sur des charbons ardents !»« Et ce n'est pas tout, » reprit la marquise d'une voix basse, presque palpitante. « À une heure plus avancée, vous verrez nos fenêtres se fermer, nos rideaux discrètement tirés sur la faible lueur de la lampe d'albâtre, si douce et si propice aux voluptés de la nuit. » Puis la marquise, riant aux éclats, ajouta « Aussi, tenez, mon pauvre monsieur Pascal, je ne serais pas étonné que, de désespoir et de rage, vous deveniez fou ou que vous vous brûliez la cervelle. » « Pas sans m'être vengé, du moins, » murmura Pascal, saisi d'un effrayant vertige, en se précipitant sur son bureau dans lequel il y avait un pistolet chargé. Mais Madeleine, qui savait avoir tout à redouter d'un pareil homme, s'était, en s'avançant pas à pas vers lui, le tenant sous son regard, ainsi peu à peu approchée de la cheminée. Au geste menaçant de Pascal, elle tira violemment le cordon de la sonnette qu'elle avait remarqué. Aussi, au moment où Pascal, livide, effrayant, se retournait vers Madeleine, le domestique entrait vivement, tout surpris de la précipitation des coups de sonnette. Au bruit de la porte qui s'ouvrit à la vue de son valet de chambre, Pascal revint à lui, rejeta vivement derrière lui la main qui tenait le pistolet et le laissa tomber sur le tapis. La marquise avait profité de ces quelques instants pour s'approcher de la porte laissée ouverte par le domestique et pour dire à haute voix au notaire, qui, assis dans une pièce voisine, s'était aussi vivement levé au bruit précipité de la sonnette. « Monsieur, mille pardons de vous avoir fait si longtemps attendre, veuillez vous donner la peine d'entrer. » Le notaire entra. « Sortez, » dit brusquement Pascal à son domestique, et le financier essuya son front livide, baigné d'une sueur froide. Madeleine, restée seule avec Pascal et le notaire, dit à celui-ci « Vous avez, monsieur, préparé l'acte relatif à M. Charles Dutertre ?»« Oui, madame la marquise, il n'y a plus qu'à approuver l'écriture et à signer. »« Fort bien, » dit la marquise. Puis, pendant que Pascal, anéanti, s'appuyait sur le fauteuil placé devant son bureau, elle prit une feuille de papier, une plume, et écrivit ce qui suit. « Signez l'acte, et non seulement je ne viendrai pas habiter en face de votre maison, mais ce soir je quitterai Paris où je ne reviendrai pas de longtemps. Ce que je promets, je le tiens. » Ces lignes écrites, Madeleine remit le papier à Pascal en disant au notaire « Pardon, monsieur, il s'agit d'une condition relative à l'acte que je désire soumettre à monsieur Pascal. » « Parfaitement, madame la marquise, » répondit le notaire en s'inclinant pendant que le financier lisait. À peine eut-il lu qu'il dit au notaire d'une voix altérée et comme s'il avait hâte d'échapper à un grand danger « Cet acte, monsieur, cet acte, finissons. » « Je vais, monsieur, préalablement vous en donner lecture, » répondit le notaire en tirant l'acte de son portefeuille et en le dépliant avec lenteur. Mais M. Pascal le lui arracha brusquement des mains et dit, comme si sa vue eût été troublée, « Où faut-il signer ?»« Ici, monsieur, et approuvé l'écriture auparavant, mais il est d'usage de... » Pascal écrivit d'une main convulsive et tremblante l'approbation d'écriture, signa, jeta la plume sur le bureau et baissa la tête afin de ne pas rencontrer le regard de Madeleine. « Il manque encore un paraphe ici, » dit le minutieux notaire. Pascal paraffa. Le notaire prit l'acte en jetant un coup d'œil surpris, presque craintif, tant l'expression de la figure livide de Pascal était sinistre. La marquise, toujours de sang-froid, reprit sa lettre de crédit laissée sur le bureau et dit au financier « Comme j'aurai besoin de tous mes fonds pour mon voyage, monsieur, et que je pars ce soir, je vais, si vous le voulez bien, toucher la totalité de cette lettre de crédit. « Passez à la caisse, » répondit machinalement Pascal, les yeux égarés et injectés de sang. Car à sa pâleur livide avait soudain succédé une rougeur pourprée. Madeleine, précédant le notaire, qui prétexta de saluer Pascal pour le regarder encore d'un air alarmé. Madeleine sortit du cabinet, ferma la porte et dit au domestique « Où est la caisse, je vous prie ?»« La première porte à gauche dans la cour, madame. » La marquise quittait le salon lorsqu'un grand bruit se fit entendre dans le cabinet de Pascal. On eût dit la chute d'un corps tombant sur le plancher. Le domestique, quittant aussitôt Madeleine et le notaire, courut chez son maître. La marquise, après avoir touché en billet de banque le montant de sa lettre de crédit, allait remonter en voiture, accompagnée du notaire, lorsqu'elle vit sortir de la porte cochère le domestique d'un air effaré. « Qu'y a-t-il, mon bon ami ?» lui demanda le notaire. « Vous semblez effrayé. »« Ah, monsieur, quel malheur ! Mon maître vient d'avoir une attaque d'apoplexie. Je cours chercher un médecin. » Et il disparut en courant. « Je me disais aussi, » reprit le notaire en s'adressant à Madeleine, « ce cher monsieur ne me paraît pas dans son état naturel. Cela ne vous a-t-il pas cet effet-là, madame la marquise ?»« Je trouvais comme vous, monsieur, quelque chose de particulier dans l'expression de la physionomie de monsieur Pascal. » « Dieu veuille que cette attaque n'ait rien de grave, madame la marquise. Un homme si riche, mourir dans toute la force de l'âge, ce serait vraiment dommage. »« Un grand dommage, en vérité. Mais dites-moi, monsieur, si vous le voulez bien, je vais vous reconduire chez vous, et vous me remettrez l'acte relatif à monsieur Dutertre, j'en ai besoin. »« Le voici, madame la marquise. Mais je ne souffrirai pas que vous vous dérangiez de votre route pour moi. Je vis à deux pas d'ici. » »« Soit. » « Ayez alors la bonté de prendre ces 40 000 francs, je désirais avoir 10 000 francs en or pour mon voyage, et une lettre de crédit sur Vienne. »« Je vais m'en occuper tout de suite, madame la marquise. Et quand faudra-t-il vous porter ces fonds ? Ce soir, avant 6 heures, je vous prie. » »« Je serai exact, madame la marquise. » Le notaire salua respectueusement, et Madeleine se fit aussitôt conduire à l'usine de Charles Dutertre.